le 6-9 de l'été sur France Inter. Magic Elvis, c'est le feuilleton musical pour réveiller vos petits matins sur France Inter au son des tubes du King, dont on fêtera le mois prochain le 40e anniversaire de la disparition. Ce matin, Elvis en Allemagne. De 1958 à 1960, la présence d'Elvis Presley sur le sol européen ne passe pas inaperçue. Déjà 1500 personnes avaient envahi le quai de Bremerhaven à l'arrivée de son bateau le 1er octobre 58, et par la suite, de nombreux fans essayèrent de croiser son chemin près de Francfort. Et à force d'attendre devant le numéro 14 de la Goethestrasse, Jacques Delessert, auteur du livre « Elvis, mon ami », y est même parvenu, ce qui a provoqué quelques jalousies autour de lui. Ah, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais cru que j'avais rencontré Elvis Presley, qui ont dit, oh, voilà, tu racontes des histoires. Hein. J'ai reçu des offres colossales, et aujourd'hui encore, je ne vendrai jamais ces photos qui m'appartiennent, donc je les droits, je pourrais produire des cartes postales si je voulais. C'est quelque chose qui m'appartient, c'est quelque chose à moi, que j'ai d'Elvis Presley, que les autres n'ont pas. Ne voulant pas perdre le plaisir de chanter, Elvis avait installé un petit studio dans sa maison. Il l'avait surnommé le studio G, et voici l'un des rares enregistrements qu'il a pu y faire. En fait, Elvis écoutait beaucoup Mario Lanza à cette époque, et c'est sa version de « O sole mio » qui donnera envie à Elvis plus tard de chanter « It's now or never ». Plus au nord, en Belgique, un jeune fan de Presley qui allait devenir un grand chanteur de charme écoutait aussi cet artiste. Frédéric François. Sur toutes nos platines, nous à la maison, les Siciliens, qu'est-ce qu'il y avait? Bien sûr, il y avait du Mario Lanza, parce que eux, quand ils ont émigré, ils adoraient par-dessus tout l'opéra. Nous, bien sûr, la jeunesse, on se disait, bon, l'opéra, qu'est-ce que c'est que ce truc avec toutes ces voix? Nous, on préférait le Elvis Presley, le rock'n'roll, mais sur les platines, il y avait Mario Lanza. Et c'est vrai que c'était un Américain qui faisait succès dans le monde entier et qui chantait, en fait, toutes les chansons napolitaines, mais en anglais. Le rocker Elvis devenait crooner, et ce n'était pas du goût de tout le monde. L'ex-Beatle John Lennon disait que le rock and roll était mort. Le jour où Elvis Presley faisait le jihai près de Francfort. Dès son retour de l'armée, Elvis enregistre de nouvelles chansons au studio RCA de Nashville, comme ce morceau composé par Mort Shuman, A Mess of Blues. I'm gonna catch the next train going face. If you cry when you're alone, sure ain't no disgrace. I gotta get myself. Magic Elvis, une série signée Philippe Robin, initialement diffusée en 2007, à retrouver tout l'été sur France Inter.